Audiomatique. La transmission 362 d'Audiomatic s'ouvrait sur la pièce It's a Rainy Day Sunshine Girl de la formation Faust, pièce qui apparaît sur leur deuxième album So Far, publié en 1972. Les sonoristes vous offrent maintenant à entendre à Audiomatic la musique du projet anglais Bola. À Audiomatic, nous entendions le duo Humans Under Visual Atmospheres Network, composé de l'artiste suédois Magnus Birgersson, qui œuvre en tant que Solar Fields, et l'artiste français Vincent Villuy, qui œuvre en tant que Ice Dana. De leur premier album Distances, lancé en 2004, nous vous avons présenté la pièce Rain Geometries. Et pour débuter, nous avions droit à Bola, le projet de Daryl Fitton et sa composition Ifa Niner de son album Niaise, sorti en 2004. Audiomatic se poursuit maintenant sur la collaboration entre les projets Rutoff et Trum, qui prend forme sur la pièce Ignis Lucidus que nous écoutons à l'instant. Cette séquence composée d'une seule pièce était l'œuvre de la collaboration entre les projets Trum et Rutoff, collaboration qui se matérialise sur l'album intitulé Kreuzung 2, Creatura per Creaturam Continetur. De cet album, nous avons entendu la pièce Ignis Lucidus. C'est au tour maintenant du groupe Von Magnet d'assurer la continuité à Audiomatic.

Ce segment musical se terminait à Audiomatic avec le duo anglais Swayzak et la pièce 8080, extraite de leur album Loops from the Bergerie. Et tout juste avant, il s'agissait du groupe Von Magnet et la pièce Mourir Mais, ici remixée par Oleg Spies. Cette version se retrouve entre autres sur le mini-album Electro Flamenco. L'artiste résident à Chicago, Damon Lux, qui conduit le Black Monument Ensemble, nous offrira la composition de Body is Electric afin de conclure cette transmission d'Audiomatic. Cette composition apparaît sur le tout nouvel album du Damon Lux Black Monument Ensemble intitulé Now. Nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes transmissions d'Audiomatic. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 363 d'Audiomatic. Alors voici pour terminer le Damon Lux Black Monument Ensemble et la pièce The Body is Electric. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Time is running out. I think that it is running out for people who cannot see themselves as being a part of the human experience and the new human endeavor. Right. Exactly. What he's saying exactly. is that you must use the moment in depth because you can't stretch it out on either end and that time is just the difference between knowing now and knowing nothing. Because if you know now fully, it's past, present, and future. Because sometimes what happens is you get so caught up in the daily rigors of running and jumping and racing that you don't have time to see that you're not going anywhere. Let's bring the drums back. arms below. Nothing like all the stories told. Black Monument! Black Monument!